Ouais, GTA, sans scrupule. J'exige qu'on me respecte dans ce bordel. Mets des gifles, pas de copinage, reste formel. Ouais, je veux mon pave, tous fuck. La rage d'arrote qui poirote devant le guichet des sastocs. Les blèmes s'entassent, donc rien sans sas. Des as, déjà écrit quelque part dans les astres. Oh, affamé qui rappe cru. Cramé comme un rabatteur posté en coin de rue. Topo d'un ghetto où les meilleurs partent trop tôt. Où les rêves crèvent de 40 coups de couteau. Tu balbuties, tu peux pas test maro. Malgré pas mal vu avec complexe zéro. Alors me casse pas entre deux parenthèses. Trop écouter ton rap nas pourrait me rendre caisse. Alors dis-moi qu'est-ce que t'attends pour entreprendre. Les murs ont des tympans, la rue veut nous entendre, okay. Ouais. Les murs ont des pavillons, gros comme une feuille de chou. Chut, tu pars tellement fort qu'on a failli te chou. Branche ta langue dans ce Nietzsche, ne la sors pas gros à côté des grands ou petits PD. Si t'as pas le mental, j'peux t'aider. Faut soigner ma confiance car elle avance en faisant un créneau. Sous Pic Balthazar, j'ai rendez-vous chez l'autorine. Car les murs ont des tympans et qu'ils ont malade, ils sont gourmands. Les briques ont la dalle, ta formation t'attend au tournant. De croire que les jaloux s'appellent Dumbo, j'suis assez tenté. Les soucis ont cimenté, dans des souvenirs gros accidentés. Après ma langue regarde à gauche, à droite avant de dire que t'avances ou de dire ce qu'on a à vendre. Aujourd'hui trop parler devient la libre et déplire ton bal. Donc ferme ta gueule ou bien la vie avec un bout de verre d'en bas. Les gens fiables ou l'audit et parfois même les oreillons. Donc j'ai parlé mon silence et tout ça parle bien de mon crayon. Si les murs ont des tympans, il paraît que c'est pour mieux t'entendre. Petit chaperon rouge, les pélèques, le diable est tentant. Reste vigilant, le mauvais œil a pécho une autre. Et je te surveille en écrivant une rumeur dans un article. Si les murs ont des tympans, il paraît que c'est pour mieux t'entendre. Petit chaperon rouge, les pélèques, le diable est tentant. Reste vigilant, le mauvais œil a pécho une autre. Et je te surveille en écrivant une rumeur dans un article. Écoute, j'agis pas sur un coup de tête, car pour ça on a le mondial, on a la dalle, plus de dialogue. Je veux pas donner mon âme au diable. Et moi j'évite les médias, les mensonges et trucages. Même en cas de balle, on m'écoute pas. Peut-être que le message est trop cash. Je débarque avec silence, car j'en ai marre des sirènes. On sait que les murs ont des oreilles, vu que la mort en douce règne. J'ai flashé pour le mur du son, donc je m'accroche à mon radar. Les murs disent pas que la vérité, demande à Omar Haddad. Et pour se faire entendre, c'est vrai que c'est la misère ici. Mais en tout cas, on parle sur moi, car tous les jours mes oreilles si. Ici la mort est charme, que tu sois mon bout maréchal. Je ferme les yeux, entraîné par la mélodie comme Ray Charles. Mon air chiale et c'est dommage, car elles ont du mal à se faire entendre. Tout n'est pas cuit, mais c'est pas pour ça que la sphère est tendre. V'là Escamikaze, GTA, Sidi Omar. Soudé on marche, ensemble pour se faire entendre et passer des hauts mal. Condamné, notre avenir traîne dans le couloir de la mort. Le cul des rêves sur une chaise électrique, bon pour la mort. Ça passesse pour les murs qui craignent, notre jeunesse niquée. Des bergers, notre train de vie qui roule au charbon niqué. Depuis que la richesse radie nous laisse que des pourboires. On parle au mur, y'a que qui écoute, mais dites-moi pourquoi. Témoin des disputes à la baraque, on entreprend de la maquiller. Une couche de peinture sur les pansements dans les pires cas. Les nerfs craquent, les murs servent des punchies pour les prennent des goûts. Sans baver, surtout ne rechine pas. Les murs ont des tympans, mais reste la bouche bée. Témoin d'histoire de bise, problème social avec ta poupée. Les nôtres n'aiment pas le coin du mur de leur classe sociale. Moi j'aime pas les quatre murs de leur liberté ou leur hôpital. Les murs et nous portent sur les épaules depuis Marmont, un signe de peau. Les murs connaissent baveur quand la poucave c'est l'un des nôtres. Si les murs ont des tympans, il paraît que c'est pour mieux t'entendre. Petit chaperon rouge, les pélèques, le diable est tentant. Reste vigilant, le mauvais œil a pécho une autre. Et je te surveille en écrivant une rumeur dans un article. Si les murs ont des tympans, il paraît que c'est pour mieux t'entendre. Petit chaperon rouge, les pélèques, le diable est tentant. Reste vigilant, le mauvais œil a pécho une autre. Et je te surveille en écrivant une rumeur dans un article.